Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbeau Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbeau Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook-Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbeau Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. On va parler de baseball avec un gars qui est en vacances, c'est notre collaborateur Jacques Doucet. Salut Jacques. Salut Danny. Jacques en vacances après une longue saison de baseball. Comment on se sent? On est-tu fatigué? On est-tu content? On aurait continué? Ben, j'aurais aimé ça continuer jusqu'à la fin de la Ligue mondiale, évidemment. Ouais. Mais vu qu'on n'a pas le contrat pour ça, ben ouais. Donc, on va le regarder à la télévision comme les autres amateurs. Ouais. Moi, je trouve qu'on a eu une très belle saison. Ça, évidemment, il n'y a pas eu les succès escomptés des Blue Jays de Toronto. Mais ouais. Dans l'ensemble, on a eu du très bon baseball. OK, Jacques, avant de parler des séries, de comment tu vois ça, la restante. Deux nouvelles que je veux te parler. L'histoire de Baseball America. Le journaliste en question semble-t-il, c'est un journaliste extrêmement crédible. Oui. Ça ressemble à une fuite. Hein? Tu es d'accord avec moi? J'ai pas saisi. Une fuite du baseball majeur, peut-être que... Je sais pas si c'est une fuite. C'est un bonhomme qui roule sa bosse depuis, je sais pas, une quarantaine d'années. Ouais. Il a travaillé pour plusieurs clubs maintenant. Il travaille pour Baseball America. C'est un journaliste dont l'accusation n'est plus à faire. Ouais. Il a ses entrées partout dans le baseball. Et c'est évident qu'il y a quelqu'un qui a peut-être trop parlé, mais il y a peut-être quelqu'un qui voulait exactement que ça sorte aussi. Oui, effectivement. Moi, le seul bug, puis j'en parlais avec Frédéric Degg cette semaine, qui suit beaucoup le dossier du retour des expos avec la presse canadienne, c'est le... Tu sais comment les bons du baseball sont très, très conservateurs. Là, t'abolirais la Ligue nationale puis la Ligue américaine. C'est ça que... C'est ce petit bug. Oui, mais ça, écoute, là, c'est pas... c'est une ébauche. Oui. Donc, moi, d'après moi, ça serait un petit peu comme... dans la NFL, tu veux dire, t'aurais la Ligue nationale, la Ligue américaine, ouais. Et il y aurait, évidemment, il y aurait des clubs de la Ligue nationale qui seraient dans la division américaine, dans la division nord ou division sud ou quelque chose du genre, ouais. Mais il y aurait deux divisions avec quatre sections. OK. Je pense que ça serait plus plausible que de dire... Non, la Ligue américaine, ça n'existe plus, puis la Ligue nationale, ça n'existe plus. Écoute, il y aurait des équipes comme les Yankees et les Dodgers qui seraient scellés par Baptiste là-dessus. Oui, c'est clair. Mais Fred avait une bonne histoire, une bonne réflexion. Il disait, Danny, là, c'est 16 frappeurs. C'est sûr que le lanceur ne viendra plus frapper, d'après moi. Il dit, là, l'association des joueurs va être d'accord avec ça, parce que là, tu crées 16 nouveaux jobs avec des frappeurs de choix. Ben, c'est évident que je pense qu'on se dirige vers ça. Ouais. Moi, j'ai toujours été élevé dans la Ligue nationale, sauf depuis que je suis à TVA Sports et que je suis dans la Ligue américaine. Quand on a instauré le règlement du frappeur de choix, moi, je n'étais pas vraiment d'accord parce que je trouve que ça enlève beaucoup de stratégie de la part du gérant. On n'a plus à gérer si ton lanceur va bien puis que tu es en déficit d'un point, d'un coureur au deuxième, puis que le frappeur, c'est le lanceur. Dans la Ligue nationale, tu es obligé de le remplacer ou presque. Ouais. Parce que dans la Ligue américaine, tu n'as aucun problème. Tu te dis, ben écoute, mon neuvième frappeur, c'est pas le lanceur. Ouais. Alors, et je trouvais aussi un petit peu injuste qu'un lanceur qui était doublé d'un bon frappeur n'ait pas cet avantage-là si son rival au monticule n'était pas un bon frappeur. Si tu avais un gars... juste pour sortir un nom d'un chapeau, là, Dan Drysdale qui a frappé, je ne sais pas moi, combien de circuits. Dan Chadzider. Il a très bien le bâton, tu sais. Puis qu'il affrontait un Bill Stoneman qui ne frappait même pas pour son poids. Ouais. Mais pourquoi priver le lanceur qui sait comment frapper, comment manier le bâton de cet avantage-là. Ouais. Dans l'histoire des expos. Je trouvais ça un petit peu injuste. Ouais. Dans l'histoire des expos, Jacques, le meilleur lanceur frappeur, ça a été Dan Chadwiller. C'était bon, lui. Oui, mais il y avait Steve Renko qui n'était pas vilain. Ah, j'ai pas connu Renko. Carl Morton. Okay. Morton, c'est un ancien voltigeur. Et, okay. Dans le cas de Renko, c'est un ancien joueur de premier but qui était converti en. Mais la plupart des très bons lanceurs qui sont comme frappeurs, des frappeurs redoutables, là, ouais. C'est des gars qui ont souvent occupé d'autres postes avant de devenir lanceurs. OK, OK. Mais Dan Chazier, moi, je me rappelle pas des deux autres, j'étais trop jeune. Oui. Mais Chazier, moi, je me rappelle de Chazier, c'était un bon aussi, là. Oui. Ouais. Ah oui, Chazier était excellent. OK. Jacques, deuxième nouvelle. John Heyman, qui est un insider réputé dans le baseball. Hier, je voyais ça sur un site. Mais c'est vrai que John Carlos Stanton, les Red Sox de Boston seront dans la course pour obtenir Stanton. Il parlait également des Phillies de Philadelphie. Parlait des Cards de Saint-Louis également. Ça, là, après la Série mondiale, ça va être un dossier chaud. Le dossier de John Carlos Stanton avec les Marlins. Ah, ça, c'est évident parce que il n'y a personne dans la nouvelle administration des Marlins qui a annoncé ses couleurs là-dedans. Mm. Moi, je suis persuadé que peut-être celui qui tient les ficelles de la bourse dirait, ben oui, on va le laisser partir. M. Stanton, il coûte trop cher. Ouais. Puis d'un autre côté, si tu enlèves un gars comme Stanton dans le giron des Marlins, tu enlèves l'image ouais. qu'on a. C'est lui qui est quand tu parles des Marlins, là, on ne parlera plus de Laurie Stanton. Non, non. Là. Ouais. On va parler de Stanton et de Jeter. Oui, oh, oui, c'est clair. Parce que alors, si lui s'en va, mais c'est évidemment... c'est que la nouvelle direction annonce ses couleurs, puis on dit, bon, on travaille pour reconstruire l'équipe avec nos joueurs. Mais moi, je trouve que ce serait une erreur, parce que Stanton, c'est un peu l'âme de cette équipe-là. Ouais. C'est qu'il coûte cher, ouais. Et il va falloir que, si vous êtes capable de dépenser 1,3 milliard pour acheter une équipe, assurez-vous que vous avez assez d'argent pour bien entourer un gars comme Stanton et faire de l'équipe une équipe dont le sud de la Floride sera fier. Parce que quel signal t'envoie à tes partisans? T'sais, normalement, quand il y a des nouveaux propriétaires, normalement, c'est nouveau, on espère. Puis Loria et Samson, ils n'ont pas été très populaires en Floride. Eux autres aussi, là, probablement que les partisans des Marlins sont très heureux de les voir partir. Puis là, tu es remplacé par Derek Jeter puis tu es Sean Stanton. Donc, quel signal que t'envoies? Tu sais, ça peut être c'est pour les abonnements de saison puis ainsi de suite, là. Je suis tellement d'accord avec toi. Écoute, ouais. La nouvelle équipe de direction arrive puis on dit, ben nous, on tourne la page puis on colle ça à la Crazy Glue, puis là, c'est un nouveau chapitre totalement qui commence et on va bâtir une équipe à notre image, ben là, t'as un gros travail de marketing pour le vendre aux partisans. Sauf que quand tu regardes les foules des Marlins présentement, cette année, ben tu sais... je trouve que n'importe quel message pourrait faire renflouer, faire accourir les foules au stade des Marlins. Oui, oui, puis clair, puis j'ai hâte de voir les équipes aussi, c'est beau, c'est un Stanton, puis qui, ouais, pas tout le monde peut se payer ça, là. Les équipes comme Moro Caymans parlait, sont capables. Philadelphie, Boston, on parlait également des Giants, des équipes riches, donc qui sont capables de se le payer également. Ça va être très, très, très, très, très intéressant. Jacques, les séries, c'est une série d'homers. Moi, je peux voir que ça va en 7. Tu sais comment, Houston et les Yankees? Ben, écoute, les Yankees ont fait crier les yeux à beaucoup de ouais. monde après avoir subi la défaite dans les deux premiers matchs à Houston. Et ils ont gagné les trois matchs presque sans équivoque. Là. Ça n'a pas été trop. Il n'y a pas eu de suspense là. Ouais. Jusqu'à la toute fin du match, surtout le dernier, là, avec... ça a été, ils ont blanchi les Astros, mais les Astros de retour à domicile, comme les Yankees, c'est une équipe qui connaît bien le terrain, comme on dit, et il sera intéressant de voir, ben, tout d'abord aujourd'hui, si les Yankees vont poursuivre leur lancée ou si les Astros vont rebondir. Il sera intéressant de voir comment Verlander va se comporter au monticule parce que sa dernière sortie Écoute, il avait été dominant un match complet. Mm. D'abord, c'est rare, et d'autant plus en série, c'est encore plus rare. Parce qu'on sait qu'habituellement, on demande à un partant d'être là pendant 5 ou 6 manches, ouais. Et ensuite, on donne la balle au releveur. On l'a vu avec les Dodgers, la domination de l'équipe, c'est dû surtout au releveur. Mm, effectivement. L'autre série, ça s'en va vers une série entre... les Dodgers ont été beaucoup trop forts pour les Cubs. Oui, mais disons que les Cubs n'ont pas été à la hauteur de leur réputation d'anciens gagnants de la Série mondiale l'année passée, là, ouais. Les champions défendants. C'est l'attaque, que ce soit Rizzo, que ce soit Bryan, que ce soit n'importe qui, il n'y a personne qui a frappé dans cette série-là, du côté des Cubs, et la relève a été atroce. Tu sais, quand tu regardes le rendement des releveurs des Dodgers, tu vas me dire que c'est exceptionnel de ne pas donner un seul point. Ouais. En 15 ou 16 manches, là. Mais du côté des Cubs, la relève a été atroce. Et je pense que Madden a perdu un petit peu sa touche magique, là. L'an dernier, à chaque fois qu'il désignait quelqu'un, tu sais, pour se rendre au monticule, tout fonctionnait, tout baignait dans l'huile. Et cette année, il n'y a rien. Il appuyait toujours sur le mauvais bouton. Et, tu sais, on l'a eu, je sais pas combien de fois pendant les séries cette saison, utiliser un lanceur partant dans un rôle de releveur, très, très rare que ça fonctionne. Non. C'est pas la même mentalité. Un partant et un releveur, c'est pas ma fille. Ben, c'est pas simplement une question de mentalité, c'est la préparation. Ouais. Et aussi, le lanceur partant qui s'en va au monticule d'année, ouais. Il s'en va là, lui, pour utiliser plusieurs tirs et de découvrir au fil des 2 ou 3 premières manches lequel de ses lancers fonctionne le mieux et lequel est son deuxième meilleur et son troisième meilleur. Okay. Et lui, il doit varier l'usage de ses lancers pour tenir les frappeurs hors d'équilibre. Mais le releveur, lui, tant qu'il arrive au monticule, il y a un ou deux lancers, puis faut pas lésiner avec ça, là. Faut attaquer. On n'a pas le temps d'établir quel lancer va mieux que les autres. Mmh. Et puis, c'est pour ça que c'est très rare qu'un lanceur partant va réussir, à moins qu'il fasse une transition totalement comme Eckersley l'avait fait, comme John Smoltz l'a fait. T'sais. Mais ça, c'est très, très rare. Ouais, John Smoltz et Eckersley, c'est les deux noms qui reviennent le plus souvent. Jacques, on se reparle dans une couple de semaines. Parfait, mon ami. Collaborateur de baseball, Jacques Doucet.